Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire de Romain Gary et de son double, Émile Ajar. L'une des mystifications les plus spectaculaires de notre histoire littéraire. Histoire récente, comme le veut le principe de cette émission, cet épisode s'inscrit entre les années 1974 et 1981. Incroyable tour de passe-passe qui débouche sur l'attribution de deux prix Goncourt pour le même écrivain, ce qui est normalement et techniquement impossible selon les règles du prix. Et pourtant, Romain Gary en remporte un en 1956 pour son livre « Les racines du ciel » et un autre, le 17 novembre 1975, pour « La vie devant soi », roman publié sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Voilà la pirouette. Cela dit, le secret le plus spectaculaire de Romain Gary, plus intime, a mis du temps à être révélé, c'est celui de son mariage en Corse avec Jean Seberg en 1963, que nous raconterons également. Notre invité aujourd'hui, Bernard Pivot, j'ai envie de dire, bien sûr, célèbre journaliste littéraire, et c'est dans son émission, apostrophe évidemment, que le poteau rose, Gary Ajar, a été révélé. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Chélius, Coyen Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Au 8e tour, à monsieur Émile Ajar. Qui est Ajar? Justement, on ne sait pas qui est Ajar. Le fait qu'Ajar soit un inconnu ne vous a pas gêné? Oh, on s'en fout, qui qu'il soit. Le prix Goncourt 1975 a été attribué à monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Ajar, qui est là? Ouais, qui est voilà. Ajar? Justement, on ne sait pas qui est Ajar. On ne l'oubliera pas, le Goncourt 1975. Lundi, le jury décidait de couronner un anonyme, Émile Ajar, La vie devant soi. Et ce soir, on apprend par l'avocat du lauréat qu'Ajar refuse le prix. Personnellement, je le connais. J'ai passé 2 jours avec lui, 2 jours enchanteurs. Le fait qu'Ajar soit un inconnu ne vous a pas gêné? Qui est Ajar? Voilà. On s'en fout. Justement, on ne sait pas qui est Ajar. On ne l'oubliera pas, le Goncourt 1975. Pendant 6 ans, Romain Gary, écrivain à succès, se joue du petit monde littéraire français en inventant un écrivain fictif, Émile Ajar. Pendant 6 ans, Romain Gary joue donc un double jeu que vous écrivez J-E-U ou J-E, comme vous voulez. Il continue à écrire et à publier en tant que Romain Gary, auteur installé, reconnu, mais il écrit aussi sous l'identité d'Émile Ajar, censé être un jeune auteur, publiant ses premiers ouvrages et préférant rester dans l'anonymat. Le jeu n'aurait pu être qu'une suite de publications sous pseudonyme, mais il devient bien plus dans l'esprit de Romain Gary. Lors de la sortie du second ouvrage d'Émile Ajar, celui-ci devient le favori du Goncourt. Romain décide alors de donner un corps et un visage à cet auteur fictif en demandant à un petit cousin, Paul Pavlovitch, d'en jouer le rôle devant la presse. Il faudra attendre l'année 1981, un an après la mort de Romain Gary, pour que la farce soit dévoilée chez Bernard Pivot dans sa célèbre émission Apostrophe. Histoire étonnante qui débouche sur ces questions aujourd'hui encore mystérieuses. Comment, pendant 6 ans, un auteur aussi connu et aussi lu que Romain Gary a-t-il pu berner le monde littéraire en écrivant parallèlement et simultanément 2 œuvres sous le nom de Gary et Ajar? Comment Paul Pavlovitch, ce petit cousin de province, a-t-il réussi à tenir ce rôle imaginé par son parent et qui était au courant? Quelques jours avant son suicide, Romain Gary envoyait plusieurs feuillets à son éditeur dans lesquels il racontait l'aventure Émile Ajar. Tout au long de ce récit radiophonique, vous entendrez des extraits de ses confidences posthumes et nous aideront à comprendre un peu mieux les raisons qu'avait Romain Gary d'imaginer son double. Les informations, François Lucaso. Bonjour François. Bonjour Ève. Romain Gary avait sans doute très mal supporté la mort de son ex-épouse, Jean Seberg, il y a environ un an. L'écrivain et cinéaste qui était âgé de 66 ans, il était d'origine russe, il avait émigré en France à l'âge de 7 ans. On lui doit une vingtaine de romans si elle connaît les racines. Ce 6 décembre 1980, à part quelques proches, personne ne sait que l'on enterre 2 Goncourt, 2 écrivains, 2 œuvres rédigées sous la même plume. Sous la voûte des Invalides, c'est à Romain Katchou qu'on rend hommage. Cet enfant juif venu de Lituanie, arrivé adolescent à Nice et qui est devenu Romain Gary sous l'uniforme des Français libres. Depuis l'obtention de son concours pour les Racines du Ciel en 1956, Romain Gary est devenu pour les Français un compagnon dont on prend des nouvelles chaque année à la télévision, à la radio ou dans la presse lors de la sortie de son dernier livre ou son dernier film. Dans ses interviews, on se remémore ses années sous l'uniforme comme aviateur, puis comme diplomate au service de la France, en Bulgarie, aux États-Unis ou en Amérique latine. Mais surtout, surtout, on étudie, on épluche, on analyse ses écrits, ses pièces de théâtre ou ses dialogues de films. On suit ses amours, surtout depuis qu'il a rencontré Jean Seberg, une jeune actrice qui vient de crever l'écran dans « À bout de souffle » de Godard. Bref, Gary est une star médiatique, dirait-on aujourd'hui. Le 16 octobre 1963, Romain et Jean se disent oui, secrètement, en Corse. Elle a 22 ans, il est de 24 ans son aîné. Diego, leur fils, est alors âgé d'à peine un an. Pendant 10 ans, Romain Gary publie un roman presque tous les ans. Mais cette vie que l'on peut suivre dans les articles et les dépêches des journaux est pour Romain Gary bien trop éloignée de la réalité, de ce qu'il est vraiment. Et il se dit lassé de cette gueule dont il est prisonnier. En 1980, quelques semaines avant sa mort, il indique à un journaliste qu'il se sent toujours comme inconnu pour les gens de la presse et pour les critiques. Alors c'est dans ce contexte que Romain Gary imagine, en 1973, le premier roman signé Émile Ajar, afin de revivre aussi, de façon très personnelle, l'expérience des premiers textes, des premières critiques, pour retourner la gueule qu'on lui avait faite, comme il le disait lui-même, pour connaître de nouveau la vie d'un jeune auteur, d'un inconnu. Ce fut seulement après avoir terminé Gros Câlin que je pris la décision de publier le livre sous un pseudonyme, à l'insu l'éditeur. Je sentais qu'il y avait incompatibilité entre la notoriété, les poids et mesures selon lesquels on jugeait mon œuvre, la gueule qu'on m'avait faite, et la nature même du livre. Le manuscrit arrivait du Brésil par les soins de mon ami Pierre Michaud. L'auteur était un jeune errant qu'il avait rencontré à Rio. Ayant eu maille à partir avec la justice, il ne pouvait remettre les pieds en France. En 1973, le manuscrit Gros Câlin est donc présenté par son ami Pierre Michaud à Robert Gallimard. Le texte est accompagné d'une lettre manuscrite signée Émile Ajar. Le lendemain de la lecture du manuscrit, l'éditeur reçoit une invitation à déjeuner de la part de Romain Gary. Ils sont amis depuis de nombreuses années, rien d'étonnant donc. Pourtant, à l'arrivée au restaurant, Robert Gallimard repère la présence de Pierre Michaud aux côtés de Romain Gary. Immédiatement, il comprend la farce. Le mystérieux manuscrit signé Émile Ajar est en fait un roman de Romain. Mais alors pourquoi lui envoyer un manuscrit signé d'un pseudonyme pour, dès le lendemain, révéler la supercherie ? Eh bien, il se trouve que les deux hommes sont proches et que Romain Gary voulait sans doute mettre son ami dans la confidence et se servir un peu de lui pour que l'ouvrage puisse être publié. Après une courte discussion, Robert Gallimard accepte de jouer le rôle du confident silencieux. Mais bon, sa participation s'arrêtera là, garder le silence, une sorte de complicité passive. De son côté, Pierre Michaud continue de jouer le rôle du représentant des intérêts d'Émile Ajar en France, auprès des éditeurs. Robert Gallimard, quant à lui, promet de ne pas influencer le comité de lecture et donc la publication du premier roman signé Émile Ajar. La parole est si bien tenue que le manuscrit Gros Câlin est refusé par les comités de lecture de la maison mère de Gallimard. Alors, pour éviter que ce premier roman ne file chez la concurrence, tout de même, Robert décide de l'envoyer à sa cousine, Simone Gallimard, directrice du Mercure de France, filiale à part entière des éditions Gallimard. Après quelques échanges par l'intermédiaire de Pierre Michaud, le livre est accepté et sa publication lancée. Dès sa sortie en 1974, le roman Gros Câlin détonne tout autant que l'absence de biographie de l'auteur. Forcément, on s'interroge dans le monde des critiques, comme lors de l'émission de Bernard Pivot, encore lui, ouvrez les guillemets. Émile Ajar. Ajar, qui est, ouais, qui est voilà. Ajar. Justement, on ne sait pas qui est Ajar. C'est un auteur mystérieux, un romancier dont c'est apparemment le premier livre, dont on nous dit qu'il habite l'Amérique du Sud, qu'il a envoyé son manuscrit comme cela. Pourquoi n'a-t-il pas été l'apporter lui-même? Pourquoi n'a-t-on pas vu de photographie d'Émile Ajar? Mystère complet. C'est le premier acte de cette pièce littéraire imaginée par Romain Gary. Personne n'a reconnu ces mots sous la plume d'Émile Ajar. Personne. Le masque est donc de bonne qualité. La preuve, les critiques tombent dans le piège tendu par l'auteur. Pendant ce temps, pour ne pas lever les soupçons, Romain Gary, la gueule officielle, continue de parader et présente son dernier ouvrage intitulé « La nuit sera calme ». Eh bien, c'est ainsi que Romain Gary et Émile Ajar cohabitent, sans un bruit sur l'étalage des librairies et dans l'esprit des critiques. Émile Ajar n'est alors qu'un fantôme de papier. Il y avait surtout la nostalgie de la jeunesse, du début, du premier livre, du recommencement. Recommencer, revivre, être un autre fut la grande tentation de mon existence. Je lisais, au dos de mes bouquins, plusieurs vies bien remplies. Aviateur, diplomate, écrivain. Rien, zéro. Des brindilles au vent et le goût absolu de mes lèvres. Et il poursuit, toutes mes vies officielles, en quelque sorte répertoriées, étaient doublées, triplées par bien d'autres, plus secrètes. La vérité est que j'étais très profondément atteint par la plus vieille tentation protéenne de l'homme, celle de la multiplicité. Après ce premier succès, Romain Gary refuse de clore la pièce dès le premier acte, donc il continue. Tout en poursuivant sa vie officielle en tant que Romain Gary, il se lance corps et âme dans celle d'Émile Ajar. Avec sa secrétaire, Martine Carré, mise dans la confidence, il organise ses deux vies littéraires. Le matin est dédié à Gary, l'après-midi à Ajar. C'est ainsi qu'il publie en 1975 « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable sous le nom de Gary et La vie devant soi sous le nom d'Émile Ajar ». À la sortie de deux livres, l'accueil est différent. Émile Ajar devient une énigme littéraire qui agite le petit monde de la critique très facilement. Agitable. D'autant plus que ce deuxième ouvrage fait mouche. Son style, son audace sont reconnus par tous. En revanche, la sortie du dernier Romain Gary, ça fait avec moins d'éclat. Oh, il reste une valeur sûre de l'édition, mais rien de nouveau. Quelques semaines après la sortie de La vie devant soi d'Émile Ajar, donc, Romain Gary accepte de donner à la presse un visage pour son auteur fictif et dit oui, figurez-vous, à une demande d'interview du journal Le Monde pour Émile Ajar. Il me semblait que si Émile Ajar se laissait entrevoir brièvement en chair et en os, avant de s'évanouir à nous, dans le mystère, je relancerais le mythe. Je demandais donc à Paul Pavlovitch, qui avait la gueule qu'il fallait, d'assumer brièvement le personnage avant de disparaître en donnant une biographie fictive et en gardant le plus strict incognito. Et c'est ainsi que Paul Pavlovitch entre en scène. Pavlovitch, c'est le fils d'une cousine de Romain. En 1975, il a 33 ans. Il aime lire, Paul, mais il n'a jamais écrit un seul roman. Pourtant, il accepte de jouer le jeu. Avec Romain, il décide de donner rendez-vous à Yvonne Babi, journaliste au Monde, à Copenhague. C'est à la fin du mois de septembre 1975. Pourquoi Copenhague ? Paul y avait vécu pendant quelques mois et il serait facile de jouer la comédie dans cette ville. Alors va pour Copenhague. Le 26 septembre 1975, Paul arrive avec sa femme qui a également accepté de jouer la comédie avec lui. Deux jours plus tard, une invitée inattendue débarque dans la petite location du couple. C'est Simone Gallimard, l'éditrice d'Émile Ajar, qui a entendu parler de ce rendez-vous secret. Paul fait face et joue la comédie devant l'éditrice. Plutôt bien d'ailleurs. Simone rentre à Paris juste avant l'arrivée d'Yvonne Babi. C'est la première interview d'Émile Ajar. Et ça, c'est un scoop dans le monde littéraire. L'entretien se déroule sans encombre, l'article est publié et le mystère Ajar se dévoile un peu. À la découverte de ce papier dans la presse, Romain Gary est un peu surpris de certaines réponses de Paul. Son cousin n'a pas suivi scrupuleusement les indications de son parent. Eh oui, Paul s'est pris au jeu en racontant des événements de sa propre vie. Pire, il a donné une vieille photo de lui à la journaliste. Ah oui, c'était le risque. Le personnage Émile Ajar vient d'échapper au contrôle de Romain. Paul vient de sceller, avec ou sans malice, l'union qui lie désormais les deux hommes. Romain ne peut plus changer de partenaire. Il n'y aura pas de remplaçant. Tout lui, tout brille, mais rien ne brûle. Tout brille, tout scintille, mais rien ne se consume. C'est comme ça, c'est ainsi. Tout sans vie, tout un prix, tout se calcule. Tout brille, tout scintille, mais rien ne brûle. Même l'amour a un prix, même le désir se calcule. Même quand on sait jouer des points et beaucoup moins des virgules. Tu ne l'as peut-être pas compris. Tant pis, je récapitule. Tout brille, tout scintille, même au crépuscule. Même l'envie, parfois s'envie. Ça en devient ridicule. Bien sûr, on peut en rire. Tout a un prix, tout se ternit, tout se dit, simule. Novembre 1975. Dans le monde littéraire, la fin de l'année correspond au moment des prix littéraires. La vie devant soi d'Émile Ajar est annoncée comme le grand favori du Goncourt qui sera décerné le 17 novembre. Romain Gary a déjà connu la joie de recevoir le Goncourt, ce qui l'empêche désormais d'être de nouveau sélectionné. L'annonce dans la presse du possible sacre d'Émile Ajar est un événement tout à fait inattendu. Romain décide donc de laisser les événements se poursuivre sans interférer. Ce 17 novembre, dans les bureaux du Mercure, les caméras de la télévision attendent, avec Simone Gallimard, l'annonce des résultats. Le prix Goncourt 1975 a été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé « La vie devant soi ». Oui, moi je vote pour Ajar, oui. Ça ne vous gêne pas que ce soit un inconnu? Je crois qu'on n'a pas à s'occuper de ça. Au moins, si on commence à s'occuper des opinions, du passé, du futur de la personne, on oublie l'œuvre. Et finalement, c'est... je crois pas qu'on ait à tenir compte de ça. Le fait qu'Ajar soit un inconnu ne vous a pas gêné? Oh, on s'en fout. Qui qu'il soit. Il est tout à fait inconnu. Dites donc, Les Gros Câlins l'année dernière, c'était déjà un livre qui avait été remarqué. Il n'est pas du tout un inconnu. Oui, mais le fait que ce soit pas un homme physique pour vous nous a pas gêné. Bon, vous savez, là-dessus, on a eu quelques apaisements. Et puis après tout, on s'en fout. Qui qu'il soit. Dans les salons de Drouot, les académiciens viennent de couronner Émile Ajar, le plus célèbre auteur inconnu. Derrière le rideau, dans ses appartements rue du Bac, Romain Gary s'amuse et il est honoré, bien sûr, d'être récompensé une seconde fois par les académiciens du Goncourt pour son écriture. On ne le sait pas encore, mais on vient de couronner un même auteur pour la seconde fois. Après le temps des célébrations, Gary hésite, puis il refuse d'imaginer la scène de la réception du Goncourt par son cousin Paul, point trop n'en faut quand même. Alors par communiqué, l'avocate officielle d'Émile Ajar, Gisèle Halimi, annonce le choix de son client. Le Goncourt, c'est non merci. Et c'est une bombe. Pour la directrice du Mercure, c'est l'incompréhension. Je me demande, je répète, s'il ne s'agit pas d'une supercherie. J'ai en tout cas eu Émile Ajar mardi à midi au téléphone. Il m'a appelé pour me dire qu'il était content du travail du Mercure et qu'il était très content de la courtoisie de la presse à son égard et au mien durant toute la journée de lundi. Je n'ai depuis aucune nouvelle de mon auteur et rien ne peut me faire affirmer qu'il n'a pas été l'objet d'une supercherie. Maître Halimi, peut-être elle-même, a-t-elle été mystifiée? En fait, depuis l'interview de Copenhague, Gary a peur d'être découvert. La confusion entre la biographie de Paul et celle d'Ajar et la diffusion de la photographie ont ouvert la boîte de Pandore. Pensez donc, un auteur qui refuse le Goncourt, mais c'est la traque assurée pour Émile Ajar. Et de fait, toute la presse se lance à ses trousses à travers toute la France. Tout le monde veut rencontrer cet auteur inconnu, comprendre les raisons de son refus. Alors, munis d'une seule photo et de quelques informations, toutes les rédactions se lancent à la recherche du mystérieux auteur. Et c'est Jacques Bouzeron, journaliste au Point, qui est le premier à retrouver la trace du faux Émile Ajar, un certain Paul Pavlovitch. Il fait cette découverte dans un village du Lot. Inter 103e, Daniel Saint-Amand. Bonsoir. Décidément, pour un homme qui n'aime pas la publicité, M. Paul Pavlovitch, alias Émile Ajar, en aura amplement profité. Depuis ce matin, on sait en effet qui est Émile Ajar, l'auteur de La vie devant soi, prix Goncourt 1975. Et l'on est même assailli par un luxe de détails qui contraste avec ce que nous savions jusqu'à présent. Le mystérieux Paul Pavlovitch a 34 ans, c'est un ancien élève du lycée de Cahors, puis de l'université de Toulouse. Désirant fuir le monde pour écrire, il s'est évidemment installé dans une petite ferme, non pas en Ardèche, comme c'est la mode parmi les gens du tout Paris, mais dans le Lot, près du petit village de Cagnac-sur-Causse. On sait également que Paul Pavlovitch a la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, une petite Renault, mais aussi deux voitures de marque étrangère, qu'il s'habille de façon toute simple, probablement avec des pullovers à col roulé, qu'il a un chien dont il raffole, qu'il fume des cigarettes papier maïs, et qu'enfin il est un cousin éloigné de Romain Gary, lui-même auteur d'une très belle supercherie littéraire l'année dernière. Alain Pétré a rencontré Madame Pavlovitch dans sa petite ferme du Lot. C'est une interview exclusive de France Inter. Je ne sais pas où il est, je n'arrive pas à le joindre. Il n'a pas pu aller dans notre appartement à Paris parce que les journalistes l'attendent. Et je suis ici avec ma fille sans nouvelles, je ne sais pas ce qu'il fait du tout. Et c'est très désagréable. C'est un homme très secret. Il n'aime surtout pas la foule, non. Mais la seule chose que je voudrais vous dire, puisque vous êtes venu de Paris pour ça, c'est que mon mari ne veut absolument pas de publicité et que c'est vrai, et que c'est pas encore un truc publicitaire le fait qu'il ait refusé le Goncourt. Il a refusé le Goncourt, d'ailleurs il l'a dit tout à l'heure, parce que il est dépassé par les événements. Et ensuite, bon, je viens d'entendre un journaliste qui dit ça va se tasser, ça c'est tassé pour les autres. Il n'est pas les autres, il est lui, et il a dit comment il était, et puis il va pas changer. Et c'est quoi, parce qu'il est lui qu'il écrit les livres qu'il écrit. Si les lecteurs les aiment, et ben tout est parfait. Vous avez entendu le journaliste, il a dit Gary. Eh oui, le secret serait-il éventé? D'autres journalistes trouvent une adresse. Et cette adresse, figurez-vous, elle est située rue du Bac, dans le même immeuble que celui où vit Romain Gary. Tiens donc. Le 21 novembre 1975, une horde de journalistes débarque. Romain Gary est présent dans son appartement. La sonnette retentit. Est-ce la fin de la supercherie? Oui et non. Après une hésitation, Romain Gary décide de rentrer lui-même sur scène pour jouer son propre rôle, celui du grand cousin de Paul Pavlovitch, alias Émile Ajar. Il ouvre la porte de son appartement et répond aux journalistes. Situation psychique à lui, qui fait qu'il s'estime qu'il ne peut pas supporter la dépersonnalisation par un excès de notoriété. C'est un garçon d'une extrême gentillesse et d'une extrême douceur, un des plus gentils qu'on puisse imaginer. C'est ce qu'on appelle un marginal. Pourquoi, à votre avis, après avoir accepté que son livre soit présenté, puis primé, il a refusé récemment le prix? Il s'était désisté l'année dernière de tous les prix. Je pense que c'est un sentimental, qu'il a eu un rapport avec son éditeur, qui a fait qu'il a eu probablement l'impression de poignarder son éditeur dans le dos au début, en premier temps. Puis il a paniqué en deuxième temps, il a repris sa décision première qui était refusée. Que croyez-vous qu'il va devenir d'Émile Ajar? Tout ce que je voudrais, c'est qu'il continue à écrire. On a parlé de rewriting à propos du livre d'Émile Ajar. Merde, merde, merde et merde. Okay. Rewriting par qui? De qui? Je ne sais pas. Merde. Quelle imagination! À partir de l'annonce de l'identité de Paul Pavlovitch, c'est vrai que le mythe Ajar est fragilisé. Alors Romain Gary tente d'imaginer un nouveau stratagème, une pirouette pour écarter les pistes qui amèneraient un journaliste à lier les deux œuvres. Hein, sait-on jamais? Dès lors, le personnage mythologique auquel je tenais tant cessait d'exister pour devenir Paul Pavlovitch. Son identification fut facile et notre lien de parenté révélé. Je me défendis comme un beau diable, multipliai les démentis, jouai à fond les droits que j'avais de conserver son anonymat et réussis à convaincre tout ce monde, d'autant plus facilement qu'on m'avait assez vu et qu'on avait besoin de nouveautés. Pour mieux me protéger, j'inventai dans pseudo un Paul Pavlovitch autobiographique. Après 2 ans de double existence et l'obtention d'un second concours, Romain Gary ne veut toujours pas lever le rideau sur cette tromperie. De plus, il vient de faire signer, par l'intermédiaire de Paul Pavlovitch, un contrat pour 5 livres, signé Émile Ajar, avec la Maison Mercure. Et il faut bien l'honorer, ce contrat. En 1976, Romain Gary s'attelle donc à l'écriture d'un nouveau livre avec cette signature. Pour ce nouveau roman, il choisit comme titre, comme on vient de l'entendre, Pseudo. Histoire de brouiller les pistes encore un peu plus. Pseudo, c'est un roman autobiographique liant fiction et réalité entre l'Émile Ajar, forgé de toutes pièces, et le cousin Paul, son neveu médiatique, son petit cousin médiatique. Romain Gary fait ainsi coup double. Il poursuit la construction du mythe Ajar et il éloigne les indices qui pourraient l'amener à être découvert. En 1976, la sortie de ce nouveau roman signé Émile Ajar est encore une fois saluée par la critique. France Inter, Affaires sensibles. Après la sortie de Pseudo, la vie de Romain Gary et d'Émile Ajar se poursuit sans éclat. Romain continue de publier sous le nom de Gary et écrit fébrilement sous celui d'Ajar. Mais entre Romain Gary et son cousin Paul, les relations se sont complexifiées. Paul s'inquiète désormais d'être abandonné par Romain Gary. Depuis 1975, c'est vrai qu'il a mis en avant sa vie, sa famille, sa vie sociale. En d'autres termes, il s'est pris au jeu et il ne veut plus que Romain arrête d'écrire sous le nom d'Ajar. Alors des disputes éclatent entre les deux hommes jusqu'à ce qu'ils décident de donner un cadre juridique à l'affaire. Depuis 1973, Romain Gary s'est protégé en demandant aux différents interlocuteurs ayant permis de créer le mythe Ajar de signer des documents prouvant que Romain Gary est bien Émile Ajar. Paul Pavlovitch, lui, signe plusieurs lettres à Romain attestant qu'il n'est qu'une marionnette. En échange de jouer le jeu et de garder le silence, Paul reçoit 40% des droits d'auteur pour les ouvrages signés Émile Ajar. Le 1er février 1979, le 4e livre d'Émile Ajar sort des imprimeries, c'est L'angoisse du roi Salomon. Après ce livre, Romain Gary délaisse un peu Émile Ajar, qui n'est plus désormais un jeune auteur, mais comme lui, un auteur reconnu. De plus, à la fin des années 70, Romain a l'esprit ailleurs, près de son fils et de sa femme, Jean Seberg. Depuis quelques années, Jean est tombée dans une terrible dépression. À plusieurs reprises, elle est hospitalisée dans des établissements psychiatriques. Elle aussi est dans la confidence de la double identité de Romain, un secret qu'elle gardera jusqu'à sa mort, un soir de l'été 1979. La vie fictive d'Émile Ajar est maintenant bien loin des préoccupations de Romain Gary. Aucun ouvrage signé Émile Ajar ne sera de nouveau publié. Romain Gary s'occupe désormais presque exclusivement de la vie de son fils, Diego. Âgé bientôt de 66 ans, Gary pense souvent à la mort. Elle ne l'a jamais effrayé. Au micro de Jacques Chancel, en 1975, déjà, il en parle avec une certaine insouciance, ou tout du moins avec recul, donc avec liberté. Il y a chez vous également une belle sérénité devant la mort. Pour vous, la mort, c'est une récompense. Ah oui, c'est tout à fait. Je m'anime dès que vous parlez de la mort. Je me sens chez moi. J'ai de très bons rapports avec la vie et d'excellents rapports avec la mort. La mort est une des choses les plus calomniées dans le grand dictionnaire, l'encyclopédie de l'humanité. Et ce qui est affreux, ce qui est horrible, ce n'est pas la mort, c'est la façon dont on s'y prend pour vous faire mourir. Car la mort, aujourd'hui, c'est les autres hommes qui vous infligent, et même les médecins dans les hôpitaux, les tortures, le prolongement inutile. Je ne vous parle pas... Mais si les médecins tuaient, on les arrêterait. Bon, très bien. Alors, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, le médecin devrait le dire aux malades, et l'euthanasie n'est pas là pour les chiens. Mais là, une question individuelle. C'est qu'un homme qui n'est plus que de la barbaque, un homme qui ne peut pas être sauvé, un homme qui n'est qu'un tissu de souffrance, prolonger son ticket au-delà de toute limite, c'est un manque de charité et d'humanisme absolument outrageant. Et c'est là que l'on transforme l'homme en un chien. C'était en 1975, 5 ans plus tard, la mort arrive. Le dernier jour de sa vie, Romain Gary déjeune avec son éditeur Claude Gallimard au restaurant Le Récamier. Après le déjeuner, il rentre chez lui, rue du Bac. Diego est absent, Diego, son fils. Il passe un dernier coup de téléphone à une amie, puis il entre dans sa chambre, ferme les persiennes et tire les doubles rideaux. Il va chercher son revolver Smith & Wesson, calibre 38. Il Il se déshabille, garde juste ses sous-vêtements et sa chemise bleue. Il dépose une lettre, puis se couche. Il rabat la couverture et se tire une balle dans la bouche. Son corps est retrouvé le soir même. Sur la lettre déposée près de son lit, on peut lire. Jour J. Aucun rapport avec Jane Seberg. Les fervents du cœur brisé sont priés de s'adresser ailleurs. Alors pourquoi ? Peut-être faut-il chercher la réponse dans le titre de mon ouvrage autobiographique « La nuit sera calme » et dans les derniers mots de mon dernier roman, car on ne saurait mieux dire. Je me suis enfin exprimé entièrement. Romain Gary. Six mois après la mort de Romain Gary, on annonce dans la presse la sortie d'un nouveau livre de Paul Pavlovitch. Car c'est la première fois qu'il publie sous ce nom, Paul. Lui que tout le monde connaissait jusque-là, sous le nom d'Émile Ajar. Le mardi 30 juin 1981, la nouvelle tombe. En matière de facéties littéraires, on se croyait blasé, on se trompait. Le coup d'Émile Ajar est l'une des plus grosses mystifications de l'histoire des lettres françaises. Maintenant, vous connaissez le poteau rose. Derrière le pseudonyme d'Émile Ajar, Trigoncourt 1975, se cachait l'écrivain Romain Gary, Trigoncourt 1956. La plume était derrière le masque et c'est le neveu de Romain Gary, Paul Pavlovitch, qui a décidé de vendre la mèche. Vendre, eh bien le mot, puisque Pavlovitch fait ses révélations dans un livre qui sort en librairie aujourd'hui même, L'homme que l'on croyait. Il y a donc derrière l'affaire Ajar un petit arrière-goût de publicité. Ça ne plaît pas du tout au fils de Romain Gary, Diego Gary, qui reproche maintenant à Paul Pavlovitch d'avoir divulgué le secret pour mieux vendre son nouveau bouquin. C'est le dernier acte de cette pièce littéraire, la fin de l'affaire. Romain Gary était donc Émile Ajar. Paul Pavlovitch redevient, lui, le petit cousin qui a joué un rôle imaginé par son parent. Et le 3 juillet 1981, il raconte tout sur le plateau de l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. L'histoire est dévoilée en direct. Bernard Pivot a été mis dans la confidence quelques semaines avant par Paul, qui lui a envoyé le manuscrit de son livre « L'homme que l'on croyait », où il raconte tout. Et pendant plus d'une heure, le présentateur et les invités reviennent sur cette incroyable histoire, les envies de Romain d'être un autre, le rôle de Paul, la vie à deux. Paul Pavlovitch vient de reprendre son identité et de rendre celle d'Émile Ajar à son créateur. Quand Romain s'est donné la mort, est-ce que vous êtes dit tout de suite, Ajar est mort, qu'est-ce que je vais être ? Non, je me suis dit, Romain est mort. Je me suis dit que c'était catastrophique. J'ai pas pensé à Ajar. Je vais vous dire, Ajar, je m'en suis toujours fichu. Par contre, Romain, non. Ajar ne comptait pas et je crois que avant même Salomon, il ne comptait plus pour Romain. Avant l'angoisse du roi Salomon. Oui. Oui. Je crois que Ajar était devenu une combine infernale, métaphysique, une erreur. Et qui vous a dressé l'un contre l'autre. Dressé l'un contre l'autre parce que de toute manière, vous n'êtes jamais égal à ce que vous êtes de mieux. Et que vous avez toujours des défaillances. Vous n'êtes jamais au mieux de ce que vous êtes. Romain n'était pas toujours au mieux de ce qu'il était ou de ce qu'il pouvait être. Et moi non plus, bien entendu. Le lendemain de l'émission, Paul Pavlovitch s'échappe de nouveau, refuse les interviews. La pirouette littéraire de Romain Gary entre alors dans le panthéon des plus grandes histoires littéraires. L'histoire d'un écrivain qui, par la plume et le réel, donne à vie un autre écrivain. L'affaire Gary Ajar aura duré 6 ans, de la publication de Gros Câlin sous le nom d'Émile Ajar en 1974 à celle de Vie et mort d'Émile Ajar, donc de Romain Gary, en 1981. Dans ce dernier ouvrage posthume, Romain Gary conclut sur les moments comiques, allez on va dire comiques, de cette facétie littéraire. Les échos qui me parvenaient des dîners dans le monde où l'on plaignait ce pauvre Romain Gary qui devait se sentir un peu triste, un peu jaloux de la montée météorique de son cousin Émile Ajar au firmament littéraire, alors que lui-même avait avoué son déclin dans « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ». Je me suis bien amusé. Au revoir et merci. Romain Gary. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before for the forever band. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Vous écoutez France Inter et vous allez entendre Bernard Pivot, notre invité. Bonjour Bernard Pivot. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission car vous êtes un témoin de premier ordre dans cette affaire Romain Gary, Émile Ajar. On reviendra sur votre rôle exact, mais est-ce que vous avez connu Romain Gary au-delà de vos émissions? Est-ce que vous l'avez fréquenté à la ville? Non, très peu. Sinon, j'allais vous demander quel homme était-il. Non, je dois même vous faire un aveu. Oui. C'est que l'un des grands regrets de ma vie professionnelle, c'est de ne pas avoir fait un entretien tête-à-tête avec Romain Gary. Quand il est... Quelque temps après sa mort, je me suis dit, mais pourquoi n'y ai-je pas pensé? Je l'ai reçu, apostrophe, pour le ticket qui ne sera plus valable au-delà de votre limite. Mais je ne sais pas pourquoi, alors que c'était un écrivain majeur, que c'était un écrivain qui était extraordinaire dans sa manière de parler, de tout ce qu'il avait à raconter. Ben voilà, c'est un ratage. Bon, ça arrive. Alors, vous êtes là depuis le début de l'émission et je vous en remercie. Je vous ai vu écouter attentivement tout ça. Ah oui, non, mais je vais vous féliciter. C'est vrai. Ce que vous avez fait là, c'est remarquable. C'est précis, c'est exact, et puis c'est merveilleusement mis en scène. C'est exactement l'affaire Gary Ajar. Merci beaucoup. Alors, puis vous, mais qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, par rapport à vos souvenirs? Je vous ai vu rire quelquefois et dire « Ah, ça, je le savais pas ». On sent que vous avez vécu tout ça, quoi. Hein, oui, et puis, vous savez, là, on oublie, mais il y a beaucoup de détails. Par exemple, je ne savais pas que son éditeur, Simone Gallimard, était du fameux rendez-vous de Copenhague. Oui. Je ne savais pas ça. Bon, et puis, voilà, j'ai retrouvé l'ambiance de tout ça, tous ces mystères, tous ces on-dit, tous ces ragots, on ne savait jamais qui était Ajar, qui était Romain Gary. Et alors, il y a quand même une chose qui n'est pas dans votre livre, dans votre montage. Il y a quand même une chose qu'on aurait pu découvrir avant, parce que moi je ne connais pas le russe, mais j'ai appris depuis que quand le Gary, c'est un pseudonyme, ça voulait dire brûle en russe, oui, et que Ajar en russe veut dire braise. Absolument. Alors c'est incroyable que personne n'ait fait le rapprochement. Enfin, des gens qui connaissaient la langue russe n'aient pas fait le rapprochement. Bien sûr. Et merci de nous apporter cette précision. Comme ça, vous contribuez à l'émission. Romain Gary s'est suicidé, on l'a dit. Alors, si le geste est théâtral, l'idée du suicide ne l'a jamais quitté. Dans La Promesse de l'Aube, il écrit par trois fois. Il dit qu'il a eu la tentation de mettre fin à ses jours. Vous, quand vous avez appris son suicide, vous avez été étonné ou vous êtes dit, c'est l'homme, et cette façon de partir, c'est l'homme, Gary? Non, je ne me suis pas dit ça parce que je ne le connaissais pas assez pour pouvoir dire ça, mais j'étais très impressionné par ce qu'il a dit à Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie. C'est très très fort, très très fort. Ça reste. C'est encore, très actuel. Mais ça reste très actuel, c'est d'une violence incroyable et en même temps d'une grande sérénité. Bien sûr, quand il dit laisser un être humain souffrir jusqu'à la mort, quand on sait que la mort va arriver, c'est le mettre au niveau d'un animal, le traiter comme un chien. Alors, cette histoire de double Gary Ajar. Quand précisément, Bernard Pivot, très sincèrement, avez-vous été mis au courant ? Ah ben c'est très simple, je crois que c'est le jeudi, je reçois un coup de téléphone de Paul Pavlovitch qui me dit, est-ce que vous pourriez, après apostrophe, le lendemain c'est le vendredi, samedi matin, venir boire un café chez moi ? Évidemment, j'ai été très intrigué parce que jamais aucun écrivain ne m'appelle pour me dire, voulez-vous passer chez moi, boire un café ou boire ou manger. Personne ne m'a jamais dit ça. Mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi... Donc j'y suis allé, il habitait près des Halles, et puis voilà, il était 11h du matin, et il m'a dit, asseyez-vous, je vais vous dire une chose qui va beaucoup vous étonner. Et là, il m'a dit, ben voilà, je ne suis pas... je suis Pavel Pavlovitch, mais je n'ai jamais été Émile Ajar. Tous les livres écrits par Émile Ajar ont été écrit en vérité par Romain Gary, et je vais publier un livre dans 15 jours, dans lequel je raconte tout ça, toutes ces supercheries extraordinaires. Moi, vous imaginez, je tombe des nues, là. Je suis assis dans le fauteuil, comme on dit, j'ai trouvé ça extravagant. Et en même temps, j'imaginais les missions, alors bien entendu, il m'a donné les bonnes feuilles du livre, les épreuves, et c'était pour qu'on fasse une émission, et ce qui a été difficile pour moi, c'était de tenir secret. Il ne fallait pas que je raconte, moi non plus. Donc, combien de jours vous avez de tenir ça secret? Au moins 15 jours. 15 jours, c'est long. Hein. Ah oui, c'est long. Long. Et donc, je l'ai même pas dit à mes collaborateurs et même pas à mon assistante. Donc, j'ai tenu le secret pendant un bout de temps en disant non, on va faire une émission, vous allez voir. Voilà, donc il fallait que je tienne le secret. Puis, donc, le mystère a été levé 3 ou 4 jours avant l'émission elle-même. Et quelle trace ça laisse dans vos mémoires, dans votre mémoire, dans vos souvenirs de producteurs et de présentateurs de la grande émission littéraire française. Hein. Mmh. Vous avez eu celui de Litzine, c'était un grand moment, il y a d'autres grands moments. Celui-là, c'était parmi vos grands moments. Oui, parce que c'était quand même la plus grande supercherie littéraire de presque de l'histoire de la littérature, je me le demande quand même, c'est extraordinaire. Et puis bref, c'était en direct, vous imaginez l'émotion en direct. J'avais donc sur mon plateau Paul Pavlovitch qui allait dire, ben voilà, je suis... Vous savez, il a été extraordinaire, Pavlovitch. Hein. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'était un imposteur. C'était un imposteur. Il vient à la télévision, il vient dire, écoutez, vous avez cru que j'étais Émile Ajar ? Pas du tout. Je ne suis que Paul Pavlovitch. Je n'ai fait qu'endosser la paternité des œuvres écrites par Romain Gary. C'est terrible à dire ça. Or, je trouve, quand j'ai revu l'émission il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé qu'il avait une dignité, une sincérité, une authenticité qui était remarquable. Très remarquable. Parce que justement, on se dit, mais finalement, il est la victime de cette affaire, il en est le bénéficiaire. Oui. Qu'est-ce qu'il est? Un peu les deux. Moi, je trouve plus la victime. Hein, je trouve. Il est plus la victime que le bénéficiaire de l'époque. Il a dû gagner un peu d'argent parce que vous avez même révélé qu'il touchait 40%. Oui. Mais je trouve qu'il est plus la victime. Toujours, il est victime d'une certaine manière des manœuvres extraordinaires, mais de Romain, de son cousin, de son célèbre cousin. Voilà. Et les échanges d'identité sont des jeux dangereux toute façon, hein, psychologiquement. Alors pour me dire, donc j'avais une émotion considérable parce que il faut rappeler qui il y avait dans l'émission. Donc il y avait donc Paul Pavlovitch et puis il y avait François Bondy qui était un ami d'enfance de Romain Gary et qui était le directeur de Preuve, de la revue Preuve. Il y avait Gérard Mandel qui était un psychanalyste parce que tout ça relève quand même de la psychanalyse. Ce que je vous disais, l'échange de personnalité. Ah ouais, et puis j'avais invité Michel Tournier. Pourquoi Michel Tournier? Mais parce que je pense que Michel Tournier lui-même était de ces grands écrivains qui, en un jour, ont envie quand même de changer de peau, de nom, de renaître d'une autre manière comme l'avait fait Romain Gary. Donc ça m'intéressait d'avoir un témoignage d'un écrivain comme Tournier. Vous savez, on va écouter Bernard Pivot un extrait de ce moment que vous venez de raconter. Paul Pavlovitch, est-ce qu'à un certain moment vous êtes senti humilié en cet emploi? Pas dans l'emploi. Je me suis senti humilié par pseudo. Par pseudo. Mais encore une fois, c'est le pouvoir de la littérature, ça. Mais au bout d'un certain nombre d'années, ça vous le dit dans votre livre, que finalement, quand il vous rencontrait, vous n'étiez plus que son complice. Oui. À un moment donné, le charme a disparu pour moi. Oui. Très tard. Le charme a disparu parce que j'ai eu le sentiment de voir un type qui se débattait et qui n'avait pas gagné, qui n'avait pas vaincu. Le charme de cette musique-là est pas parti en revanche. Alors, on va, Bernard Pivot, si vous voulez, essayer de comprendre les motifs réels, les raisons exactes de la manœuvre de Romain Gary. Pourquoi a-t-il fait ça, au-delà de se jouer du monde littéraire qui ne me paraît pas, moi, une explication suffisante? Mais renaître! Mais c'est renaître, tout simplement. Prendre la peau d'un nouvel écrivain, publier, rajeunir, redécouvrir les joies du premier livre, c'est ça qu'il avait envie de voir. Vous savez, il y a beaucoup, Roger Caillois, que j'ai souvent invité dans mes émissions, qui est maintenant écrivain peut-être un peu oublié, mais c'est dommage. Roger Caillois, un jour, m'avait fait cette confidence. Il était membre du comité de lecture de Gallimard. Il disait, quand j'ai fini un livre, je le donne à Gallimard, et il envoie directement à l'imprimerie, personne ne le lit, il revient, et je n'ai l'avis de personne. Et puis je sais ensuite que dans la presse, eh bien, ça sera toujours la même personne dans Le Monde ou dans Le Figaro qui va rendre compte de mon livre. Donc, il y avait une sorte de lassitude, de déception. Eh bien, je pense que Romain Gary était devant le même syndrome, ce syndrome de « à quoi bon, de nouveau, répéter la même chose, mon livre va être accueilli de la même façon ». Donc, ils ont envie de surprendre, ils ont envie de se surprendre. De se surprendre eux-mêmes. Au fond, l'écrivain est un phénix. Et il veut toujours renaître de sa plume. Pas de ses cendres, mais de sa plume, bien entendu. Et donc, ça veut dire que quand il explique ça, parce qu'on l'a entendu expliquer ça très précisément, il est sincère. Donc. Ah, je crois. Ah oui, absolument, je crois sincère. Alors, je pense que son histoire réussit au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Ah oui, la preuve. Mais on en parle encore. Parce qu'on oublie, par exemple, une chose extraordinaire. C'est que Simone Gallimard, son éditrice... Oui. Ne savait pas. C'est-à-dire qu'elle a découvert, comme tout le monde, et même après moi, que bien, son fabuleux auteur, son grand auteur, son Goncourt, eh bien, c'était un mystificateur. C'est quand même extraordinaire. Or, il ne faut pas oublier que, par reconnaissance et par admiration pour Pavlovitch, Ajar, elle l'avait nommé directeur littéraire des éditions du Mercure de France. C'est-à-dire que Paul Pavlovitch, pendant un certain nombre de mois, recevait les auteurs, les écrivains du Mercure de France et leur disait « Écoutez, votre manuscrit, là, il est bien ici, mais là, il est moins bien, il faudrait reprendre ceci, il faudrait reprendre cela. » C'est-à-dire qu'il était dans la peau d'un directeur littéraire. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Pavlovitch, là, dans cette fonction-là, a lui aussi a joué les mystificateurs. Ces amants dans le parc, je les observais. Alors qu'ils s'embrassaient, chuchotant des secrets. Leurs caresses furtives en moi ravivent des plaies. Alors que je gueulais là dans ma tête. Si vous saviez comme je vous envie. Alors que je gueulais là dans ma tête, comme je vous envie. Tous ces amants me rendent malade. Je suis devenue n'importe qui. Pour toi, n'importe qui. Bien, alors, Bernard Pivot, vous avez régné sur les émissions littéraires. Bon, vous aviez quand même quelques concurrents ailleurs, notamment oui. à France Inter. En 1975, on va écouter un petit extrait. Dans l'émission Radioscopie, avec Jacques Chancel donc, Romain Gary livrait ses états d'âme et expliquait déjà pourquoi il était tenté, il aurait pu être tenté d'écrire sous un pseudo. Pourquoi écrivez-vous parfois sous d'autres noms ? Pour se cacher ? Oui. Pour me libérer. Parce qu'on m'a fabriqué, j'ai écrit deux livres sur le Par exemple, les têtes de Stéphanie. Et c'est toutes ces têtes qui tombent au pied des hommes. Et puis un autre roman qui s'appelait L'homme à la colombe. J'ai écrit ça parce qu'on m'a fabriqué une tête, un personnage de Romain Gary, la critique, les gens, etc., dont on me tient prisonnier. Et lorsqu'on lit un livre de moi, je retrouve toujours les mêmes histoires et très souvent le même jugement qui porte souvent sur l'œuvre, bien sûr, parce que la critique, notamment pour mon dernier livre, a été très objective, mais aussi sur l'homme qui est derrière. Et cet homme qui est derrière, je ne le reconnais pas. Il m'est totalement étranger. Alors, de temps en temps, pour échapper à cette façade qui n'est pas la mienne, qui m'a été donnée par les autres, j'écris sous un pseudonyme, mais c'est impossible, vous savez. Il est totalement impossible d'imposer un pseudonyme à Paris, et toujours personne. Oui, Bernard Pivot, allez-y. Il a fait la preuve du contraire, évidemment, de ce qu'il vient de dire. Il a réussi c'est magnifiquement. Formidable. C'est la plus grande entourloupe, de, encore une fois, de la vie des lettres. Alors, je me suis replongé hier dans le palmarès officiel du prix Goncourt. Oui. Donc, 56 le premier pour Gary. Et donc, celui de 75, c'est marqué Émile Ajar. Romain Gary. Donc ça veut dire que Gary a officiellement deux concours. Il a deux concours, oui, bien sûr. On va pas financer, bien entendu. Il a deux concours, il a réussi un exploit qui probablement ne sera jamais renouvelé. Bon, et vous disiez là, tout à l'heure, c'était quand même formidable cette histoire, parce que finalement il y a un côté aussi un peu dramatique, psychologiquement c'est dur, elle est lourde cette histoire, et en même temps elle est flamboyante. Mais c'est une comédie, c'est une tragédie. C'est ça. C'est une comédie littéraire, puisque nous avons tous été abusés. Il faut reconnaître qu'on a été nuls, quoi. On n'a pas été capable de voir ce qu'il y a en quoi les livres de Gary et de Ajar se ressemblaient. Donc c'est une comédie et en même temps c'est une tragédie parce que quand même elle se termine par le suicide de Romain Gary. Alors il se suicide pas parce que j'ai envie de dire que il a magnifiquement réussi cette affaire de tromperie, mais ça ne l'a pas sauvé du désespoir. Et c'est quand même dommage. On aurait pu penser que, ayant formidablement dupé tout le monde, et bien, il en avait gardé une certaine fierté, une certaine joie, et que ça avait, je sais pas, embelli sa vie ces dernières années. Pas du tout. En dépit de. Mais il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que finalement, Ajar. C'est devenu, d'une certaine manière, Gary. Je veux dire par là que Gary se plaignait que tous ses livres, finalement, bon, c'est du Gary. Eh bien, Ajar, il en était arrivé où la critique elle-même allait dire, c'est du Ajar. Et donc, il aurait fallu qu'il invente un troisième nom, qu'il renaisse et qu'il ait peut-être un troisième Goncourt. Alors, vous voulez que je vais vous poser une question infernale. Vous préférez le livre de Gary ou d'Ajar ? Écoutez, ils sont très différents les uns des autres. Non, je préfère ceux de Gary. Alors très franchement, je préfère ceux de Gary, comme la promesse de l'aube ou bien le clair de femme. Ce sont des. Alors la vie devant soi, c'est fort quand même. Non, mais la vie devant soi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. On s'est pas trompé d'ailleurs. Enfin, mes devanciers à l'Académie Goncourt ne sont pas trompés. Ils ont couronné le meilleur. Mais Gros câlin, moi, je l'ai revu il y a pas longtemps et je sais pas. J'ai trouvé ça un peu fabriqué, pas très très bon. Mais effectivement, la vie devant soi est un formidable roman. Alors dernière chose, Bernard Pivot, je ne sais pas si votre niveau d'information va jusque là, mais j'ai cru comprendre que Romain Gary souhaitait que le poteau rose fût révélé par son fils, oui. Diego Gary. Ça veut dire que Pavlovitch lui a coupé l'herbe sous le pied, oui. là. Hein. Oui, c'est pas vrai, ça a mis en rage son fils, puisqu'il y avait le livre dont Vie et mort d'Émile Ajar, signé de Romain Gary, qui parut quelques temps après le livre de Pavlovitch. Mais Pavlovitch, il a couper l'herbe sous les pieds de son défunt cousin, et d'une certaine manière, il a pris sa revanche sur une certaine humiliation. Bernard Pivot, il me reste à vous remercier de votre présence dans cette émission et des éléments que vous avez apportés également. Finalement, vous avez construit un peu l'émission avec nous. Au revoir. Merci. À bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Gary Ajar, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Antoine Cruchon qui était à la technique aujourd'hui.